Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de quelque chose qui a été très peu exploré jusqu'à présent, l'intelligence des reptiles. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. J'aurai ensuite la chance de recevoir Jérémy Souchet, doctorant en écologie à la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS à Moulis et membre de l'association Ad Naturam. Il étudie l'impact de facteurs environnementaux comme le manque d'oxygène en altitude sur le comportement et la physiologie d'un serpent, la couleuvre vipérine. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Ils sont surtout connus pour leur allure inquiétante. Peau écailleuse, regard fixe, visage dénué d'expression, épines, dents, crochets, carapace. Les reptiles, enfin, pardon, les animaux de la classe Reptilia, car le terme reptile n'est plus franchement adapté à la classification actuelle alimentée par les analyses génétiques. Les reptiles, entre guillemets, donc, ont rarement été loués pour leur intellect. Serpents, lézards, tortues, crocos, alligators et autres sphénodons se retrouvent donc relégués sur le banc de touche des performances intellectuelles. On est tenté de les classer parmi les losers, tout en bas de la grande pyramide des espèces, loin de ceux qui font carburer leurs petites cellules grises. Mais qu'en est-il réellement ? En fait, et c'est là que le bât blesse, on n'en sait rien. Enfin, presque rien. Tout a commencé à changer au début des années 2000, lorsqu'une chercheuse anglaise de l'université de Lincoln, Anna Wilkinson, spécialisée dans l'étude de la cognition des primates et des oiseaux, a décidé de prendre sa propre tortue de compagnie, nommée Moses, comme cobaye pour ses expériences. Pour tester la mémoire de Moses, une femelle tortue charbonnière à pattes rouges, la chercheuse la pose au centre d'un labyrinthe à bras radial, c'est-à-dire un labyrinthe constitué d'un îlot central dont partent 8 bras. Le but du test, largement utilisé avec des rats, est de tester la mémoire spatiale de l'animal. Ici, on dépose une récompense alimentaire, un morceau de fraise juteux, au bout de chaque bras, et on observe si l'animal est capable de visiter tous les bras, et ce, sans repasser dans ceux qu'il a déjà explorés. Les performances de Moses ont été publiées dans le Journal of Comparative Psychology en 2007 et ont été complétées par une seconde étude parue en 2009 dans Animal Cognition. Malgré sa lenteur évidente, l'animal a réussi le test à un niveau supérieur au hasard. Et les scientifiques se sont assurés que la tortue ne suivait pas l'odeur des fruits ou ses propres traces qu'elle aurait pu laisser dans le labyrinthe. Ces études démontrent que la tortue pourrait utiliser deux types de navigation. Quand on entoure le labyrinthe d'un rideau noir sur lequel on suspend des indices visuels, comme des formes géométriques, la tortue adopte une stratégie simple, mais redoutablement efficace, qui vise à visiter chaque bras du labyrinthe de manière successive. Elle visite donc chaque bras et enchaîne avec le suivant, adjacent celui qu'elle vient de visiter. Simple, mais méthodique. Si on enlève les motifs accrochés au rideau, son niveau de réussite reste le même. Quand, dans un deuxième temps, on enlève le rideau et que la tortue peut utiliser tout ce qu'elle peut voir dans la pièce pour s'orienter, elle change de stratégie et semble utiliser les indices présents en dehors du labyrinthe pour s'orienter. Selon la richesse de l'environnement, l'animal est capable de passer d'une stratégie à l'autre. Pas mal, même si on peut nuancer le propos, car un seul animal a été testé dans ces expériences, ce qui limite un peu le spectre de la trouvaille. Après les exploits de Moses la tortue, la chercheuse anglaise continue à explorer l'intelligence des écailleux et s'intéresse à l'apprentissage social, plutôt cocasse pour des animaux qui vivent majoritairement en solitaire. Dans une étude parue en 2015 dans le journal Animal Cognition, son équipe s'intéresse au comportement de l'agame barbu ou pogona, un lézard vivant dans le désert australien à la tête et au flanc ornés d'épines. L'équipe a entraîné puis filmé un agame pendant qu'il ouvrait une porte grillagée coulissante en la poussant sur le côté avec sa patte, pour avoir accès à un verre de farine appétissant. Soit l'animal ouvrait en poussant par la gauche, soit par la droite. Une vidéo contrôle était aussi montrée aux autres agames, où la porte était ouverte sans que l'agame démonstrateur ne fasse quoi que ce soit, comme si un fantôme ouvrait la porte. Les scientifiques ont alors diffusé ces films, de manière aléatoire, à d'autres agames barbus, histoire de voir si elles étaient capables d'apprendre une technique en regardant des congénères. Verdict ? Tous les animaux testés ouvrent la porte du même côté que le faisait l'animal démonstrateur qu'ils avaient vu faire sur la vidéo. Et aucun agame, confronté à la vidéo où la porte était ouverte par magie, sans aucun démonstrateur, n'a été capable d'ouvrir la porte. Ces travaux sont les premiers à avoir montré de manière expérimentale qu'un reptile pouvait apprendre une stratégie en observant les autres faire et en les imitant. Des compétences qu'on pensait jusqu'alors uniquement réservées aux mammifères et aux oiseaux. Comme quoi, pas besoin de plumes ou de poils pour en avoir dans la caboche. D'autres études ont montré que des anolies, des petits lézards tropicaux proches des iguanes, sont capables de résoudre un problème en soulevant des bouchons qui obstruent l'accès à une récompense. Ils sont même capables de réversion, c'est-à-dire d'apprendre à associer une récompense avec une tâche, puis, quand on inverse le problème, de s'adapter et d'apprendre à résoudre ce nouveau problème, souvent plus rapidement que le premier. Des tortues seraient aussi capables de suivre le regard d'un congénère ou de se lancer dans des séances de jeux sociaux quand elles sont encore petites. Ces observations de comportements complexes remettent pas mal de choses en perspective. Une chose est sûre, on est très loin de savoir ce dont ces mystérieux animaux à écailles, si différents de nous, sont capables. Comme cette chercheuse amoureuse des tortues, il faudra donc s'armer de patience et de persévérance pour percer leurs secrets. Comme le dit si bien la fable, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et nous revoilà avec notre invité, Jérémy Souchet, doctorant en écologie à la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS à Moulis et membre de l'association Anaturam. Il nous parle aujourd'hui des conséquences du changement climatique sur le comportement et la physiologie d'un serpent bien particulier, la couleuvre vipérine. Alors pour commencer, moi j'ai un peu fouillé et c'est vrai que les serpents, souvent, ils évoquent des animaux fourbes, dangereux. Chez les Égyptiens de l'Antiquité, Apophis, le serpent géant avale le soleil et personnifie le chaos et l'obscurité. C'est Naash, le serpent qui offre de croquer le fruit défendu à Ève dans la Bible. Est-ce qu'encore aujourd'hui, ils souffrent toujours d'une mauvaise réputation ? Oui, toujours. Et c'est encore pour un long moment, je pense, parce qu'on essaye au quotidien de révoquer toutes ces croyances. Mais c'est quelque chose qui est très long à faire. C'est un processus qui est compliqué et qui est souvent anéanti par ces croyances elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut passer plusieurs heures à parler d'un serpent pour faire comprendre ce que c'est aux gens. Il suffit qu'une seule personne, en trois minutes, dise le contraire et les gens vont forcément aller dessus. Donc il y a un gros travail à faire. Même l'autorité du scientifique qui va sur le terrain, qui voit les animaux, ça ne suffit pas à convaincre les gens ? Ça ne suffit pas toujours. Ouais. Disons qu'il y a des irréductibles. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'on associe, comme vous l'avez dit, le serpent à tous ces mythes un petit peu, ce côté dangereux. Mais il y a beaucoup de cultures, il est vu complètement différemment. C'est des cultures qu'on oublie, mais il est aussi vu comme un représentant de la fertilité, comme un représentant du savoir et de la connaissance. Un représentant de la médecine, parce qu'il est quand même sur le caducée des pharmacies. C'est vrai. Donc c'est le serpent sage qui soigne. Et il évoque dans beaucoup de croyances aussi une forme de renaissance, de purge, ce genre de choses. Donc en Amérique du Sud, même dans l'Antiquité romaine, il avait ce côté un petit peu oracle et renaissance avec tous ces phénomènes de mue. Oui, c'est vrai. Et tout ça est complètement oublié et passé à la trappe beaucoup depuis le Moyen-Âge, en fait, avec l'Inquisition et toute la croyance religieuse qui est venue mettre à mal, en fait, toutes les autres croyances sur les serpents. Oui, le Moyen-Âge, on parlait des corbeaux dans une autre émission, souvent ça n'a pas fait beaucoup de bien en représentation animale. Non, c'est sûr. Alors, parce que c'est vrai que les serpents, bon, certaines espèces peuvent être venimeuses, ce n'est pas le cas de toutes, loin de là, on va en reparler. Mais est-ce que la crainte qui nous inspire est justifiée ? Est-ce que les serpents qu'on peut rencontrer dans nos campagnes représentent un danger potentiel pour nous ? Alors, dans nos campagnes, on va dire en France en tout cas, on a effectivement des vipères qui sont venimeuses, donc elles représentent un danger potentiel, mais un danger qui est loin d'être mortel. Les cas de morsures sont de l'ordre, je crois, l'année dernière, de 800 morsures dans l'année, ce qui D'accord. est très très peu finalement. Ah oui, sur toute la France. Et je crois qu'il y a eu un mort en 8 ans. Okay. Les morts sont souvent dues à des cas exceptionnels, soit des gens qui étaient en mauvaise santé, soit des gens qui étaient allergiques. Donc au même titre que les abeilles, que les guêpes, que les acariens, que plein de choses, que les chats, que la banane, même si on est allergique à la banane, on peut mourir d'une allergie. Donc on meurt pas forcément de la dangerosité de l'animal en tant que tel, mais de son allergie à cet animal ou à cette plante, etc. Donc le risque est extrêmement faible, et de surcroît, souvent les morsures opèrent lorsque les gens dérangent l'animal. Oui, c'est ça, parce que spontanément, le serpent, il va pas se jeter sur les chevilles du randonneur. Non, le but d'un serpent quand il va mordre, et d'un serpent venimeux quand il va injecter son venin, ce qu'il ne fait pas chaque fois d'ailleurs, va être pour tuer sa proie afin de se nourrir et donc régénérer aussi ce venin pour pouvoir continuer à chasser, etc. etc. Donc l'animal, il ne va pas gaspiller et il va mordre dans un cas de dernière chance. Donc si on lui marche dessus, au même titre qu'un chien, quand vous lui marchez sur la patte, il va se retourner, il va mordre parce qu'il est effrayé, parce qu'il a eu peur, parce que vous représentez pour lui une menace. Oui, bien sûr. Et sinon, il va avoir des stratégies d'intimidation. Donc typiquement, la vipère, elle va se mettre en S, elle va relever la tête, elle va commencer à siffler. Et donc ça, c'est les premiers signes de stress en fait chez l'animal. Et c'est à ce moment-là que si on s'éloigne, l'animal va juste partir. En fait, c'est à partir du moment où on le bloque, on l'oppresse, forcément, ouais, il va se défendre. Donc les serpents, c'est des animaux qui vont mordre, mais globalement, on va dire, dans quasiment tous les cas, ça va être pour se défendre et pas pour attaquer. En tout cas, vis-à-vis de nous. Et puis, il y a aussi toutes les couleuvres qui n'ont pas de venin. Et il y a surtout toutes les couleuvres qui n'ont aucun venin, dont certaines qui vont, pareil, mordre pour se défendre. Mais les risques de morsures de couleuvres sont très, très, même inexistants, en fait. Et puis, bon, c'est pas agréable, mais ça va pas être plus dangereux qu'une morsure de chat, finalement. Ça va pas être plus dangereux, et surtout, ça va faire moins mal. En plus. Ça va faire beaucoup moins mal. Donc, c'est plutôt avantageux. Et quel est le statut de ces animaux aujourd'hui en France? Ils sont protégés? Comment ça se passe? Alors, l'intégralité des reptiles, donc, que ce soit les tortues, les lézards ou les serpents, sont protégés en France. C'est des espèces qui sont en voie d'extinction pour la plupart. Ou du moins toutes les populations, au même titre que les populations d'oiseaux ou de mammifères, régressent drastiquement. Donc il y a vraiment des programmes de conservation qui sont mis en place, il y a des lois qui les protègent. Donc on ne peut pas ramasser un serpent, on ne peut pas toucher un serpent, on ne peut pas normalement détruire l'habitat d'un serpent. Bon, ça c'est un peu plus compliqué à contrôler, mais en tout cas oui, on ne peut pas ne serait-ce que ramasser des cadavres ou des restes ou des mues. Parce qu'on n'est pas capable de prouver qu'on n'a pas maintenu l'animal en captivité pour récolter cette partie de l'animal, même si ce n'est pas l'animal en tant que tel. On n'a pas de preuve qu'on l'a pas malmené. Exactement. Alors on dit aussi, c'est un terme qu'on voit beaucoup passer, même s'il est un peu désuet aujourd'hui, on dit que les reptiles sont des animaux à sang-froid. En vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Alors à sang-froid, c'est un abus de langage complet. En fait, les reptiles n'ont pas la capacité de produire leur propre chaleur corporelle. Si on compare aux mammifères qui sont donc ce qu'on appelle des endothermes, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre chaleur, ils vont maintenir une température corporelle constante. Quand il va faire trop chaud, ils vont transpirer pour évacuer à travers l'eau la chaleur du corps. Et à l'inverse, quand il va faire trop froid, ils vont frissonner pour produire en fait cette chaleur avec la friction des muscles. Les serpents, si je prends leur cas, ne sont ni capables de frissonner, ni capables de transpirer. Ce qui fait qu'ils vont réguler leur température corporelle avec ils vont l'associer à la température du milieu, température de l'air, et quand ils ont besoin de monter en température, par exemple, ils vont faire ce qu'on appelle la thermorégulation, donc de l'exposition au soleil, afin d'augmenter la température corporelle par rapport au niveau de celle de l'air. Et à l'inverse, quand les températures sont trop chaudes, pour éviter de cuire, entre guillemets, ils vont se mettre à l'ombre, tout simplement, donc dans un buisson. Et donc, leur température de sang n'est pas du tout inférieure à celle d'autres animaux. Non, du tout. Si on prend, par exemple, la plupart des serpents, les températures qui vont être optimum pour différentes activités biologiques, ça va être de l'ordre de 25 degrés. D'accord. Ce qui semble plutôt utile. Et donc, en quoi est-ce que cette caractéristique, c'est un bon modèle d'étude pour vos travaux? Et bien justement, travaillant sur le réchauffement climatique et l'impact des variations de température, travailler sur des animaux qui sont soumis drastiquement au changement de température, ça va permettre d'avoir des réponses beaucoup plus directes et beaucoup plus impactantes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les serpents sont intéressants dans ce contexte-là. Et l'autre contexte, c'est que les serpents sont dits bio-indicateurs du milieu, c'est-à-dire que, étant donné que ce sont tous des carnivores, ils vont être placés assez haut dans la chaîne alimentaire. dans le cycle alimentaire, je préfère dire, mais bon, ça c'est un autre débat. Et en fait, ils vont donner une image assez parlante de l'état global de l'écosystème, donc de tout ce qu'il y a en dessous. Okay. Donc les populations de proies qui vont être elles-mêmes modifiées par les populations d'insectes, qui vont être elles-mêmes modifiées par l'état des plantes, etc., etc. Tout ce qu'il y a en dessous, quoi. Tout ce qu'il y a en dessous, leur niveau de hiérarchie, quoi. Donc on peut déduire facilement que si la population de reptiles diminue, c'est plutôt pas bon signe pour le milieu, quoi. Alors soit il y a des impacts, disons, humains qui sont très forts, avec une pression de destruction très forte sur l'animal, ou alors sur des milieux qui sont vraiment naturels, on peut imaginer l'impact de température, de pollution ou de plein d'autres facteurs qui vont impacter... Les récoltes qui vont impacter du coup les mulots par exemple et qui vont impacter forcément les serpents derrière. On vous propose d'onduler de plaisir sur quelques notes musicales tortueuses. Ne bougez pas, on vous propose une courte pause musicale et on revient tout de suite sur Campus FM. C'était Green Crayon, tiré de l'album Bridges de Kiefer. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Jérémy Souchet, doctorant en écologie à la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS à Moulis et membre de l'association Ad Naturam. Alors on le voyait avant la pause, vous étudiez une espèce de serpent un peu particulière qui s'appelle la couleuvre vipérine. Un peu couleur, un peu vipère, c'est quoi ses particularités? Alors justement la couleuvre vipérine, sa particularité c'est de ressembler à une vipère. D'accord. Mais d'être une couleuvre. Donc pas de venin. Pas de venin, d'accord. Mais ce qu'on appelle un mimétisme fort. Mimétisme qui est, bon, pour aller un peu plus loin, qui est un mimétisme batésien. D'accord. Ce qui signifie en fait que c'est une espèce non dangereuse qui va mimer des caractéristiques d'une espèce qui est dangereuse. Alors la vipère, ces caractéristiques-là, elle les a pour se protéger de ses propres prédateurs. En fait, c'est un avertissement qui dit « attention, viens essayer de me manger, mais j'ai de quoi me défendre okay. ». Et la couleuvre vipérine, elle, a décidé d'être un peu fourbe et de se dire « je vais mimer ce comportement pour leurrer les prédateurs ». D'accord. Et donc effectivement, elle a un zigzag dorsal qui est assez similaire à celui de la vipère. Elle a un sifflement qui peut être similaire à celui de la vipère. Mais c'est pas du tout une vipère. Elle a pas du tout les mêmes comportements, la même écologie. Mais elle va les autres couleuvres peuvent siffler ou pas? Alors, tous les serpents sifflent, okay. Mais à des fréquences différentes. D'accord. C'est un langage qui est propre à chaque espèce. Mais la couleuvre vipérine a cette capacité de mimer assez correctement la vipère et va être capable aussi d'aplatir très largement sa tête en cas de menace. Et avoir cette forme un peu triangulaire qui est assez typique des vipères. Donc, c'est tous ces mécanismes qui lui procurent en fait cet aspect vipère en cas de menace. Donc, elle est très souvent confondue et très souvent détruite. De peur. Parce que les gens la prennent pour une vipère. Exactement. Qui peut mordre. Et où est-ce qu'on la trouve, cette couleuvre vipérine? Alors, on la trouve en France, pas okay. Sur toute la France, sur les deux tiers sud, et aussi tout le long du bassin méditerranéen. Okay. Donc, elle est arrivée en France, disons, après la dernière glaciation, il y a 10-15 000 ans. C'est ce qu'on appelle une colonisatrice historique du sud de la France et donc des milieux montagnards, qui vient du bassin méditerranéen et donc des pays chauds du Nord-Afrique. Et on la trouve dans quel type de milieu? Et on la trouve dans des milieux, on va dire, humides, parce que ça va être une mangeuse de poissons. Okay. Donc, bord de rivière principalement. C'est un des serpents, on va dire, qui est le plus vu par les pêcheurs. D'accord. Et qui, à juste titre, a été appelé l'aspido, avec sa ressemblance avec la vipère aspie, justement, et en étant dans l'eau, souvent en train de nager pour aller chasser le poisson. Donc, elle a son nom d'aspido, qui fait penser au fait que ce soit une vipère aussi, mais alors que pas du tout. Mais là, j'y pense, mais si elle doit aller dans l'eau pour chasser, est-ce que c'est pas compliqué pour réguler sa température, justement, si l'eau est fraîche ou ce genre de choses? Justement, elle va thermoréguler, elle va monter son corps en température pour faire des sessions de chasse. Okay. Elle se prépare et une fois qu'elle est sortie, souvent avec une proie, parce que quand elle va rentrer dans l'eau, le but c'est quand même de ressortir avec un poisson, elle va avaler le poisson et pareil, se remettre à thermoréguler pour augmenter sa température et permettre la digestion de la proie. Ouais, donc clairement, ça influe beaucoup leur comportement. Il faut se préparer avant, après, parce que c'est un effort rien que de gérer la température. Exactement. Alors, on le disait un petit peu en introduction, vous étudiez les conséquences de l'hypoxie, le manque d'oxygène en altitude, sur le comportement et la physiologie de ces serpents. Alors, concrètement, comment est-ce que vous y prenez? À quoi ressemblent vos expériences? Alors, moi, je travaille essentiellement donc, sur les œufs et sur les bébés à la naissance. Donc, je vais d'abord passer par une phase de terrain, ce qu'on appelle une phase de terrain. Donc, je vais aller me balader au bord de rivière, où sont les couleuvres vipérines, pour capturer des femelles gravides, c'est-à-dire qui sont reproduites, qui ont des œufs. Ces femelles-là, je vais les ramener au laboratoire, je vais les garder avec moi jusqu'à la ponte. Je vais récupérer les œufs, et ces œufs-là, je vais les incuber dans différentes conditions. Certains vont rester dans des conditions normales d'oxygène, de niveau d'oxygène, donc à basse altitude. Et il y a d'autres groupes qui vont monter au pic d'humidité de Bigorre à 3000 mètres, où là, on a que 70% de l'oxygène qui est disponible. Et on va essayer de comparer en fait, l'impact de ce manque d'oxygène sur le développement de l'embryon, et sur les performances à long terme. Alors, l'objectif, en fait, derrière, c'est de voir si les milieux de haute altitude, où les températures actuelles sont plus fraîches, pourront être un lieu de refuge face au réchauffement climatique. Oui. Comme ces animaux sont sensibles à l'augmentation des températures, bien plus que les mammifères, donc les endothermes, on va, en fait, simuler une remontée pour lutter face à ces réchauffements. Donc, ils vont remonter pour retrouver des températures plus confortables. Oui. Plus adéquate. Voilà, plus adéquate. Mais on ne sait pas si elles vont pouvoir remonter indéfiniment et est-ce que l'oxygène va être une barrière à cette remontée. Et puis, s'il y a vraiment des grosses conséquences. Parce que, donc là, vous incubez vos œufs à deux altitudes différentes. On peut voir donc les conséquences. Et sur les jeunes, une fois qu'ils sortent de l'œuf, vous voyez des grosses différences entre ceux qui sont en moyenne altitude et en haute altitude? Ouais, en fait, tout le processus de développement va être suivi. Et en fait, à la naissance, on voit des variations sur les tailles des petits entre en hypoxie, donc en manque d'oxygène, ou en normal. Et c'est en fait ces différences de taille et derrière de croissance et de performance physique sont assez importantes. On a des animaux qui sont musculairement en fait un peu plus faibles. D'accord. Et qui ont moins de capacité de nage. Typiquement, on va tester la nage parce que c'est des animaux qui sont très inférieurs à ce milieu-là. Et donc, tout ça va limiter leur potentiel de chasse, de déplacement, de dispersion dans le milieu. Donc, on essaye de mesurer tous ces aspects-là. Donc, il y a un risque quand même de survie plus limité chez les espèces exactement. Qui vivent en altitude. Et donc vous, les petits, vous les mesurez, vous les pesez, vous voyez donc les différences de développement. Mais qu'est-ce que vous testez d'autre au niveau de leur comportement? Alors comportement, on fait également en fait, c'est pas forcément du comportement à proprement parler, mais on teste en fait les échanges gazeux, donc c'est les capacités respiratoires des juvéniles. On va regarder les échanges CO2-oxygène entre le juvénile et le milieu extérieur, avec des taux d'oxygène différents, voir si ça affecte complètement leur capacité respiratoire, et automatiquement les capacités respiratoires vont aussi limiter les performances physiques, donc on regarde de ça. Ok, et ça comment vous faites? Alors tout simplement, on a un appareil qui sert à mesurer les taux d'oxygène et de CO2 dans l'air. Ok. Et on va injecter dans une boîte hermétique où on place l'animal l'air extérieur pour avoir ce qu'on appelle une ligne de base, c'est-à-dire exactement le même niveau d'oxygène et de CO2 d'un côté et de l'autre, donc à l'intérieur de la boîte et à l'extérieur. Et on va fermer cette boîte de manière hermétique pendant quelques minutes. L'animal va respirer, donc consommer l'oxygène qui est dans la boîte et relarguer du CO2 qui va rester contenu dans cette boîte. Et au bout d'un certain temps, en règle générale, c'est quelques minutes, une dizaine de minutes, on va réouvrir les valves. D'accord. L'air va être éjecté dans la machine et on va pouvoir mesurer le niveau de CO2 et le niveau d'oxygène dans la boîte. Étant donné qu'on connaît exactement le temps de durée dans la boîte, on peut faire un comparatif avec l'extérieur et voir ce qui a été consommé, voir ce qui a été produit. Ah oui, donc un truc quand même assez perfectionné. Oui, effectivement. Alors ça, donc, c'était surtout avec l'hypoxie, mais les conséquences du réchauffement climatique aussi, c'est une augmentation de la température. Donc ça, vous, comment est-ce que vous le testez dans vos expériences? Alors pour tester ça, on va incuber les œufs à différentes températures. D'accord. Donc initialement, les œufs de couleuvre vipérine sont incubés autour de 28 degrés, ce qui est une température qui est optimale pour le développement, qui n'est pas trop court, qui n'est pas trop long, qui permet d'avoir des petits en bonne santé, avec des bons taux de croissance, etc. Et en fait, on va changer ces conditions de température. On va passer à 32 degrés, par exemple, d'accord, ou 24 degrés, qui sont en fait des extrêmes thermiques pour l'espèce. Et on va voir, au même titre que l'hypoxie, si ça modifie le phénotype, donc c'est-à-dire la taille, la masse, et les comportements, les performances, etc. Donc et on fait exactement la même chose. Et on va croiser en fait à la fois le manque d'oxygène et les variations de température pour voir s'il y a des doubles effets contraintes. Oui. Est-ce que, par exemple, là, on a pu se rendre compte que une température très forte, ça va accélérer le développement, mais on va avoir des petits qui sont beaucoup plus petits, beaucoup moins performants. Et en plus, si on associe l'hypoxie par-dessus, il y a du rétrocontrôle de l'embryon quand il se développe, donc il va changer son comportement de développement pour essayer de s'en sortir. Mais même ça, avec la naissance, on voit qu'ils ne s'en sortent pas forcément très bien. Parce que aussi, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que les œufs de serpent ont une structure un peu différente des œufs d'oiseaux, par exemple. C'est tout vrai fait. Que, vous le disiez, finalement, est-ce que les embryons dans les œufs peuvent percevoir des différences dans l'environnement? Oui, totalement. En fait, la coquille est assez molle, en fait, et assez poreuse. On n'est pas sur une coquille dure d'œuf de poule. Ce qui fait que cette coquille, elle peut permettre de l'échange gazeux entre le milieu et l'embryon. Et donc, elle va être sensible au même titre que le reste, aux températures également. Donc on va mesurer aussi la respiration de l'embryon. Donc on va faire exactement la même méthode qu'avec les petits, d'accord, mais sur les œufs. On va mesurer la différence de CO2 et d'oxygène consommés et produits par l'embryon. Ah oui, c'est fou. C'est ça. Et on mesure également donc, les battements cardiaques de l'embryon. C'est-à-dire que la température et l'hypoxie vont influencer le rythme cardiaque de l'embryon. D'accord. Ce qui influence son développement métabolique. Ok. Et ses temps d'incubation. Donc, on voit, par exemple, qu'en hypoxie, les embryons vont accélérer leur rythme cardiaque. Donc, ils vont consommer plus d'oxygène? Donc, ils vont consommer plus d'oxygène, ils vont aussi mal assimiler le jaune qui est présent dans l'œuf et du coup, en fait, tout ce métabolisme, il est accéléré, mais on va produire très vite un juvénile qui est viable, d'accord, mais pas au top de ses performances pour qu'il quitte vite ce milieu, en fait, qui est nocif, okay, enfin, nocif, qui est non adéquat. Alors que la logique voudrait que, si on compare aux mammifères, aux oiseaux, on ralentisse, en fait, un rythme cardiaque en altitude pour mieux absorber l'oxygène. Là, c'est l'inverse, donc c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur rythme pour se dire « on va s'adapter à cet environnement ». C'est plus genre « vite, sortons de l'œuf et barrons-nous ». C'est un peu l'idée. Oui, c'est impressionnant. Ça veut dire que juste avec avec les milieux extérieurs environnementaux, l'embryon va pouvoir déjà avoir un comportement de survie, quoi. Exactement. Il y a une lecture de l'environnement à travers ces aspects-là qui vont donner des indices sur la qualité de l'environnement aux juvéniles. D'accord. Et cette histoire de changement de rythme cardiaque, on l'observe souvent dans les œufs de reptiles. Quelle est la fonction? Pourquoi est-ce qu'ils pourraient varier leur rythme cardiaque? Alors, Il y a plein de manières de varier le rythme cardiaque. Donc, on a vu, il y a la température et il y a aussi ce qu'on appelle l'éclosion, la synchronie à l'éclosion. C'est un phénomène qui est assez connu chez les tortues. On voit donc toutes ces petites tortues qui naissent toutes en même temps. Sur les plages, et ensuite elles vont se jeter dans l'eau. Exactement. Et tout ça, c'est pas le fruit du hasard, en fait. C'est un comportement social qui est assez connu où, en fait, l'idée, c'est de, si on est tous en même temps, moi, en tant qu'individu, j'ai moins de chances de me faire manger dans la masse. Parce que je vais être perdu dans un flou. Protégé partout, voilà. Par le nombre, c'est en fait. C'est ça, okay. Exactement, protégé par le nombre. Donc, en fait, il y a quelques études qui ont montré ça récemment aussi chez la couleuvre vipérine et la couleuvre à collier, qui est globalement sa cousine. D'accord. Où, en fait, des œufs plus jeunes, placés à côté d'œufs plus vieux, ont accéléré leur rythme cardiaque pour rattraper leur retard de développement et tenter de faire une éclosion synchrone. Donc, c'est-à-dire de réduire le risque de prédation par la masse. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tous éclore au même moment, même si ceux qui ont dû accélérer le rythme sont sans doute plus petits et un peu exactement. Plus malins. Exactement. Donc, on a des animaux qui sont moins performants, mais qui vont quand même tenter leur chance, entre guillemets, dans cette masse d'individus. Ça commence quand même un petit peu durement, la vie de jeunes serpents. Ça commence durement, ouais. Mais du coup, on parlait donc d'œufs, de juvéniles, etc. Est-ce que la mère, une fois qu'elle a pondu les œufs, elle s'en occupe ? Est-ce qu'il y a des soins parentaux ou pas du tout chez ces espèces ? Alors, il n'y a pas de soins parentaux comme on peut l'entendre en tant que mammifère ou oiseau. Il y a quelques espèces qui vont quand même s'occuper des petits. Chez les crocodiles, c'est assez régulier. Oui, c'est vrai. Si on reste dans le cas lézard et serpent, à part quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions, il n'y a pas de soins post-natal. D'accord. C'est-à-dire que la femelle, soit elle va pondre des œufs, soit elle va mettre bas des petits, mais elle ne s'en occupe pas après. D'accord. À la naissance, soit à l'éclosion, soit à la naissance, dans tous les cas, les petits sont complètement autonomes. Il faut les voir comme des serpents miniatures, mais parfaitement autonomes. Les bébés vipères, dès la mise bas, sont équipés de venin. Ok. Et ils peuvent très bien chasser, voir leurs propres frères et sœurs, des fois, dans l'excitation de la naissance. Mais par contre, il va y avoir ce qu'on appelle des soins prénataux. D'accord. Où là, les femelles vont choisir, alors soit des sites de ponte adéquats, pour avoir des températures, des hygrométries qui vont être efficaces et stables dans le temps, pour permettre un bon développement de l'embryon dans l'œuf. Ah, parce qu'il faut une température importante pour maintenir les œufs en bonne forme. Donc souvent, ça va être enterré. Donc c'est pour ça qu'on en trouve souvent dans l'état de fumier, parce que c'est parfait, ça fermente, ça produit de la chaleur, ce qui fait un gros incubateur à œufs. Et ça remplace très bien la poule. Et pour ceux qui mettent bas, ça va être différent. Par exemple, le cas de la vipère aspie, qui elle va, pendant 2-3 ans, manger, grossir, faire du gras, pour pouvoir avoir ce stock énergétique en elle, se reproduire, et pendant la reproduction, enfin pendant le développement en fait des petits, va complètement arrêter ses activités de chasse, de déplacement, et va consacrer plusieurs, on va dire 2 mois, je crois que c'est à peu près 2 mois. Oui, parce que c'est long en plus. C'est long, de gestation, où elle va juste thermoréguler pour fournir à ses petits qui sont en développement la température idéale de développement, ce qui fait qu'elle va consommer ses réserves. Et à la mise bas, si dans les jours qui viennent, elle ne trouve pas à manger, souvent elle meurt en fait d'épuisement. Ouais, elle a donné toute son énergie. Voilà, donc c'est vraiment, il y a quand même un investissement parental qui est très très fort, mais qui est prénatal et pas postnatal. Et puis ça veut dire, si je comprends bien, en fait, ils se préparent presque plusieurs années avant d'avoir des petits. Et si la femelle survit à la mise bas, elle ne peut pas à nouveau s'accoupler avant un certain temps, quoi. Non, c'est ça, chez les vipères, alors chez les couleuvres, souvent, vu qu'il y a les œufs et qu'elles gardent les œufs moins longtemps, il y a moins ce phénomène en fait, de gestion des réserves. Donc on va avoir des femelles qui vont pouvoir se reproduire tous les ans, une fois par an. En général, la reproduction elle a lieu en mai-juin et les petits sortent en août-septembre. Et donc c'est quand même un petit peu long. Ça peut être assez long, tout le processus est assez long. Par contre, effectivement, chez les vipères, ça va demander souvent 2 ans entre chaque mise bas, si jamais la femelle arrive à s'en sortir après la première. Voilà. Et c'est pas forcément la majorité, de ce que je comprends. C'est pas forcément la majorité, c'est des espèces justement qu'on appelle semelles-pares. Donc d'accord. Ça veut dire qu'elles meurent en donnant naissance, ça vient du mythe de semeller, c'est une autre histoire qui est tout à fait intéressante ici. À l'occasion, on en reparlera. D'accord, eh bien, ça, c'est impressionnant. Donc ça veut dire, si je comprends bien, Si les adultes n'interagissent pas avec les petits, on ne peut pas trop parler d'apprentissage social entre les adultes et les juvéniles. Il n'y a pas trop ce genre de comportement chez ces serpents. Non, les parents ne vont pas donner des clés donner des clés de survie directement. Il n'y a pas cette communication-là. Les petits, comme on l'a vu avec le début de l'émission, peuvent aussi regarder leurs congénères parce qu'il y en a toujours qui sont plus futés que d'autres, donc apprendre via leurs congénères, même s'ils vont très vite disperser dans le milieu et redevenir solitaires. Par contre, on a de l'information qui est donnée par la mère au moment principalement de la ponte. Là, je vais prendre un cas que je connais, c'est assez théorique, où en fait, le choix du site de ponte et le choix de mettre l'œuf tout seul ou avec ses congénères va indiquer à l'individu si le milieu est plutôt favorable ou défavorable. Alors le milieu favorable ou défavorable, c'est il y a déjà trop d'individus, il faut aller ailleurs, il n'y a plus de place. Okay. Ou il n'y a pas assez de ressources, il faut aller ailleurs, par exemple. Donc selon l'endroit où la femelle irait pondre, ça pourrait donner des indices à l'embryon sur, en gros, ce qu'il doit faire en sortant de l'œuf, quoi. Alors, plus que l'endroit où la femelle va pondre, comment elle agence? Parce qu'en fait, souvent, les sites de ponte sont communautaires. D'accord. Donc, on a plusieurs individus, des fois de plusieurs espèces, qui vont venir pondre au même endroit. Okay. Ce qui peut représenter des nids de 400 à 500 œufs, certaines fois. Mais c'est pas dangereux, parce que si c'est des espèces différentes, est-ce que les petits, en sortant, ils risquent pas de manger ceux d'à côté? Normalement, non. Les régimes alimentaires permettent justement ça. Et en fait, ils font tous globalement la même taille, donc pour se manger, c'est compliqué. C'est pas David contre Goliath, mais ça va. Après, en grandissant, ces petits sont vulnérables à d'autres espèces de serpents. Mais en tout cas, au moment de la naissance, il n'y a pas ce... Tout le monde est pareil. Ce problème-là, exactement. Okay. Et donc, ça va être est-ce que je colle donc mes œufs à des œufs plus vieux, comme on l'a vu, pour accélérer et réussir un peu plus leur survie? Ou alors, est-ce que je les isole pour les faire sortir avant ou après les autres? Et il y a aussi ce phénomène, donc ça a été montré il y a quelques années dans le laboratoire dans lequel je travaille, où en fait des œufs qui étaient incubés seuls, contrairement à des œufs qui étaient incubés avec leurs congénères, donnaient des comportements sociaux différents, où les petits à la naissance qui étaient issus de ce groupe d'œufs restaient agglutinés, alors que ceux qui étaient issus d'œufs individuels restaient à l'écart du groupe. Ce qui pourrait en fait montrer que si je suis pondu seul, le milieu étant défavorable, j'ai tout intérêt à être solitaire et me disperser très vite et pas rester agglutiné avec mes congénères. Okay. Et donc ça, ce serait une forme de partage d'informations, de transmission de la mère aux petits, qui se fait encore une fois en prénatal et pas en postnatal. Et en postnatal. Ouais, c'est intéressant parce que ce sont des stratégies vraiment très différentes de ce qu'on peut voir chez les mammifères. Exactement. Ou les oiseaux, mais c'est pas pour autant qu'elles n'existent pas, quoi. On les sous-estime, mais ils font aussi plein de trucs super intéressants. Alors, c'est aussi un peu, je sais que c'est toujours la question un peu gênante à ne pas poser à un doctorant en fin de thèse, mais quels sont les premiers résultats de vos analyses, de vos expériences? Les premiers résultats, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué au début. C'est vraiment l'hypoxie semble en fait diminuer la réussite de la survie des jeunes. D'accord. En haute altitude. Mais bon, c'est toujours c'est très compliqué parce que ce qu'on fait, c'est qu'on les place à différents types d'oxygène, mais c'est des variations qui sont extrêmes. D'accord. Ça se fera jamais à l'échelle d'une génération, donc on essaie de voir la plasticité en fait et les capacités d'adaptation. Et les premiers résultats, c'est que musculairement, ils sont moins bons, que tout le rythme cardiaque est accéléré, donc tout ça montre qu'en fait le développement est pas forcément optimisé. Donc, il semblerait que ce ne soit pas le meilleur refuge qu'elle puisse trouver. Ouais. Même si la température est plus agréable. Même si la température les contraintes est plus agréable. Sont trop importantes. Alors, c'est encore des résultats qui sont en cours d'analyse, mais est-ce qu'il vaut mieux une forte température et une faible température et peu d'oxygène, ou une forte température mais beaucoup d'oxygène? Là, c'est vraiment le point qui va être la bascule et qui est compliqué à bien analyser et à bien comprendre. Oui, bien sûr. Puis il y a plein de variables en jeu. Alors, pour conclure, donc on parlait aussi du fait que vous êtes membre de l'association Ad Naturam, qui fait de la vulgarisation scientifique. Alors, vous avez notamment réalisé une conférence sur les préjugés qui touchent les serpents en France. Exactement. Alors, moi, je me demandais une question un peu naïve. Comment est-ce qu'on peut lutter contre toutes ces idées négatives sur les serpents et essayer de redorer un peu leur blason? Le meilleur moyen, c'est d'en parler. Parler, parler, parler, parler, toujours parler, ça fonctionne beaucoup. Et vu que c'est des espèces qui sont méconnues, je pense que c'est souvent ça qui fait peur, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est un serpent, on n'arrive pas à imaginer ce que c'est, on n'arrive pas à imaginer comment ça vit. En plus, c'est très cryptique, ils sont très difficiles à observer sur le terrain. Et la plupart des gens en ont peur sans jamais en avoir vu un. Ils ont potentiellement croisé des milliers durant leur vie, mais ils ne l'ont jamais vu. Et donc, à partir de là, on a toute cette méconnaissance, et de cette méconnaissance naît une forte crainte. Et l'idée, c'est donc en parler, expliquer tous ces... et intriguer à travers les serpents, parce que quand on explique voilà, comment ils se reproduisent, comment ils mangent, comment ils chassent, comment... enfin, tout ce qu'on a pu évoquer un peu dans l'émission, les gens sont là genre « Ah, mais c'est dingue, je pensais pas que cet animal pouvait faire ça ». Et à partir du moment où les gens sont intrigués, ils deviennent curieux, et dès qu'ils deviennent curieux, ils s'intéressent, et dès qu'ils s'intéressent, ils arrêtent d'avoir peur. Ça dépasse la peur. Parce que justement, c'est ce que j'allais dire, le serpent, c'est comme les araignées, les gens ont peur, ils ont peur de se faire mordre, alors que comme on dit, c'est quand même des cas relativement rares. Mais c'est vrai que ça joue vraiment contre. Et puis c'est vrai que ce sont des animaux qui ne sont pas si faciles à observer finalement. Non, c'est dans leur intérêt en fait. Hein. Tout à fait. Le but, c'est de pas non plus d'être mangé ou d'être détruit. Et à la fois, ils sont difficiles à observer parce que certains se cachent pour chasser. Donc forcément, s'ils arborent des couleurs chatoyantes, les proies vont les voir. C'est râpé. Voilà. Donc ils sont difficiles à observer, mais en fait, pas tant que ça. Dès qu'on commence à s'y intéresser et qu'on commence à s'intéresser à l'écologie des espèces et de comment ils vivent, quels sont les milieux, les habitats, comment ils vont thermoréguler, etc. etc. Dès qu'on y passe un tout petit peu de temps, on se rend compte que, en cherchant au bon endroit, on les trouve toujours. Je vais prendre mon cas, par exemple, en une dizaine de sorties de 2 heures, j'ai réussi l'année dernière à avoir 140 serpents. Ah oui, c'est énorme. Ce qui est la plus beaucoup, mais ce qui n'est pas tant que ça finalement. Et c'est à la porte des maisons pour la plupart du temps, où les gens qui vivent là depuis 10 ans disent « mais je n'ai jamais vu un seul serpent ici » et j'en trouve dans la minute qui suit 3 à 5 mètres de la maison. Oui, parce qu'ils ont vraiment leur spot, leur endroit. Voilà, ils sont dans leur spot et dès qu'on commence à savoir lire en fait, c'est l'environnement, on les trouve. Il y a beaucoup d'associations qui organisent d'ailleurs des sorties découvertes auprès des serpents. Et donc j'invite les gens à aller à ces sorties-là parce que c'est l'occasion ou jamais de pouvoir voir des serpents avec des gens qui peuvent en parler, vous les montrer. Et souvent, les serpents, ce qui marche beaucoup, c'est dès qu'on les touche une fois, alors pas dans la nature et avec des gens compétents, toute la peur s'en va. En fait, ils sont à la fois, autant ils font peur, autant ils fascinent énormément. Donc les gens restent curieux et souvent toucher un serpent, ça change sa vision. Enfin moi, ça a marché en tout cas. De juste voir qu'ils sont pas visqueux, la première fois que j'ai touché un serpent, ça a été la révélation et depuis, voilà, j'en suis ici. Comme quoi, voilà, il suffit d'une rencontre pour que tout soit changé. Eh bien, merci beaucoup Jérémy pour toutes ces infos sur ces animaux passionnants, donc qui méritent clairement d'être réhabilités. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à suivre les actualités d'Ad Naturam sur leur site, adnaturam.org. Bien sûr, je mettrai toutes les informations dans la description de l'émission. Je peux aussi vous le dire à présent, Jérémy fait partie des intervenants du festival Pint of Science qui aura lieu du 20 au 22 mai 2019. Il parlera de son sujet de thèse dans le cadre de la soirée consacrée au réchauffement climatique avec Arnaud Bellec, ingénieur d'études à l'INRA, qui lui nous parlera du blé. La soirée aura lieu mardi 21 mai à 19h au Place Todaïs à Toulouse. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.